j'avais un éléphant, je pourrais le promener, mais on me regarderait autrement, les gens sont vite perturbés. Puis on jouerait aux échecs, il ne cesserait de gagner, un éléphant c'est fourbe comme un évêque, ça peut facilement te tromper. Si j'avais une girafe, je ne cesserais de la peigner, j'aurais plus le temps pour mon vrai taf, alors je me ferais virer. Nous irions au cinéma, on se placerait au premier rang, son coup faisant de mettre trois rendrait les autres spectateurs méchants. Si j'avais un crocodile, je ne cesserais de l'exposer, faire ressortir mon côté viril, les gens pourraient nous admirer. Mais il attirerait les convoitises et on voudrait me le voler, alors craignant par pure hantise, j'irais discrètement le cacher. J'avais une chouette, elle m'apporterait pas mon courrier, c'est pas comme celle d'Harry Potter, lui il sait bien les exploiter. Elle dormirait toute la journée, m'empêchant de dormir la nuit, voudrait quelque chose à manger, que je lui apporte une souris. Si j'avais un hérisson, je ne pourrais pas le toucher, ça peut paraître un petit peu con, on n'en voit pas l'utilité. Je lui donnerai mes économies, sagement il les garderait, en beau gestionnaire, en bon ami, il ne me les rendrait jamais. Si je trouvais quelque part une fille relationnellement rapprochée, je pourrais croire que c'est utile, me faire là de fausses idées. Mais tout s'enfuit qui n'a pas de laisse, sauf peut-être moi perdu aux eaux, je suis gentil quand on me caresse, je sais même faire le beau. Je sais faire le beau.